Mes auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, anciennement Radio Trait d'Union. Ce soir, émission calendrier des esclavages et des libérations. Alors, le programme de ce soir, de ce calendrier, eh bien, ce sera évidemment le calendrier. Jean Jaurès, Jean-Louis Etienne, Un Monde, Un Regard, invité par Elisabeth Martichoux, qui ne s'est pas ennuyée du tout pendant cette émission, sur la LCP, la chaîne parlementaire, qui fait des émissions intéressantes, souvent. Hein, vous remarquerez que, assez souvent, je repasse les émissions d'Elisabeth Martichoux et d'autres. François Langlais, Emmanuel Macron, impôts, bilan des députés, affaires sociales, réunionnais de la Creuse, leur histoire, où ça c'est quelque chose de pas brillant pour la République française, et le gouvernement de cette époque-là, Michel Debré, et compagnie, Fier des proches, les Restos du cœur, archives de l'INA, et puis une petite revue de presse, voilà, ce sera tout pour ce soir. Hieraŭ mi, la feliĉon havis tie ĉi, vivo brilis kiel sunradi. Hodiaŭ okazis tragedio, ĉiam mi trovis helpon de l' ĉio pova di, ĉu mi perdis gracon nun de li, ĉar kun mi plu ne estas ŝi. Lasis min sen antaŭ prepar. Venas al mi timoj pri ebla mia erar. Ambaŭ ni amis reciproke kun pasi. e cas nun deamo l'agoni, temp de priplor cae nostalgi. Ciel povas revoi cindrigi dum moment, eble amo ne povas dauri sen turment. Shainas mi disbatita de la vent foli, accompanos min ciemosi profunde amis hierau mi. Same facile allude poesi, comencigas gia agoni, temp de priplor cae nostalgi. Sbatita della vente foli, accompanos minici emozi, profunde amis hieraumi. Le calendrier des esclavages et des libérations du 18 septembre. En 1810, au Chili, proclamation de l'indépendance. Le 18 septembre 1835, en Espagne. À Barcelone, constitution d'une commission mixte d'inspection d'usines et de contrôle du travail. En 1835, ouais. Le 18 septembre 1835 en Espagne. En 1870, le 18 septembre toujours, France, les Prussiens mettent le siège devant Paris. Un hiver de froid et de faim s'annonce pour la capitale. À Marseille, la Ligue du Midi est constituée. Son président sera Esquiros, dont Gambetta se désolidarise. 1909, Grande-Bretagne. Deux suffragettes, militantes luttant pour le droit de vote des femmes, sont emprisonnées pour avoir jeté des pierres sur le Premier ministre. Jeté des pierres sur le Premier ministre? Oh, quelle drôle d'idée! C'est pas en 2023 qu'en France on aurait des idées comme ça, hein? Oh ben non! 1914, Italie, début d'une grève importante des travailleurs agricoles dans la région de Versailles. Des troupes sont envoyées contre les grévistes. 1919, Espagne. À Barcelone, la fédération patronale adresse au président du conseil une protestation concernant l'impuissance de la police de la ville. 1931, Japon. Début de l'action militaire contre la Mandchourie. Elle débouchera sur la Deuxième Guerre mondiale. Modifiera l'activité économique japonaise et rendra plus dure la vie des ouvriers. Vous avez deviné, hein, la vie des ouvriers, hein. Eh oui. 1939, France. Le bureau de la CGT déclare qu'il ne peut y avoir de collaboration avec ceux qui soutiennent l'URSS liée à l'Allemagne nazie contre la Pologne. Contrairement au statut, les dirigeants et militants communistes sont exclus de la CGT. 1941,

fédérer les socialistes pour une part, pour faire le lien avec le, dans une deuxième phase, avec le mouvement syndical, puisque au début on appelle l'Humanité le journal des agrégés, des 17 agrégés, et peu à peu, il se rend compte qu'il faut discuter avec le courant syndical, dont la CGT, qui n'est évidemment pas celle d'aujourd'hui, et il ouvre le journal à la CGT. Comment s'est organisée à l'origine cette relation entre le monde des intellectuels, c'est un mot nouveau qu'on employait depuis l'affaire Dreyfus, et d'autre part, tous les militants du mouvement ouvrier? Est-ce que le journal a représenté cette synthèse-là? Et si oui, comment? Les ouvriers à qui il devait s'adresser au début, bon, ne le lisaient pas trop. Ils préféraient les grands journaux populaires plus facilement. Oui, ce qui, pour une part, se comprend. Et donc, ils ont fait tous effort d'écriture et ils ont fait effort d'élargissement. Mais le fait qu'on l'ait appelé le journal des agrégés à l'époque, est quand même quelque chose d'extrêmement beau. Comment Jaurès a réussi à lancer un journal? Ça a coûté déjà de l'argent. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment a-t-il assuré, s'il est parvenu, l'indépendance de son journal, de l'Humanité, par rapport à ce qu'à d'autres époques on appelait les puissances d'argent? Il a dit dès son premier éditorial qu'il y avait une répartition des parts de manière égale entre celles et ceux qui travaillaient au journal, qui le fondaient avec lui et son conseil d'administration. Et d'un côté, il y avait effectivement les parts qui appartenaient, c'était très moderne, à ceux qui collaboraient au journal, voilà. Et puis il y avait d'autre part des apports extérieurs. Il ne se vend pas aux puissances d'argent, loin de là, mais il est obligé de faire des prêts et d'aller chercher de l'argent à l'extérieur, sans quoi il ne peut pas tenir. À droite, on parle des Rothschild. Oui. C'était vrai? Je pense. Je pense qu'il a fait un voyage en Allemagne et il a trouvé, à la faveur de son combat, au moment de l'affaire Dreyfus, il a trouvé des gens qui, parce qu'il avait mené ce combat, ont dit que ça valait le coup de soutenir cet homme, le combat de cet homme et de ce journal. Écrire librement comporte des dangers. En décembre 1904, Paul Déroulède, chantre du nationalisme outrancier, jette ce cri de haine à Jaurès à propos d'un simple entrefilet paru dans son journal « Je vous tiens, monsieur, pour le plus odieux pervertisseur de conscience qui ait jamais fait en France le jeu de l'étranger ». Jaurès, à bout de patience, lui envoie ses témoins. Ses camarades trouvent absurde qu'ils se battent en duel et prennent un tel risque. J'ai pris le temps de la réflexion. Je ne pouvais plus. Depuis quelque temps, je les sens tous là, prêts à m'insulter dans ma femme ou dans ma fille. Je reçois des lettres d'ordure, je sens grimper les limaces. Je me sens couvrir de crachats. Je veux arrêter cela par un geste ridicule, mais nécessaire. Je ne veux pas qu'on se croie tout permis, qu'on me mette dans la rue le bonnet d'âne. Le procès-verbal informe que deux balles ont été échangées sans résultat. Jaurès se réjouit de la naissance en 1905 du Parti socialiste unifié, section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO. À ses yeux, l'unité des socialistes est un but, autant qu'un moyen. C'est le message d'ailleurs qu'il va porter de juillet à octobre 1911 en Amérique latine, au Brésil, en Uruguay, en Argentine. Il ne s'agit pas seulement de s'assurer des cachets généreux destinés à renflouer l'humanité. S'adressant en français à de vastes auditoires, Jaurès peut mesurer que sa notoriété et son prestige sont devenus universels et qu'ils sont à même de servir le rayonnement de la France autant que la solidarité internationale du mouvement ouvrier. Il fait trois grandes conférences qui sont très très suivies sur des sujets de fond et on se rend compte, quand on les lit aujourd'hui, c'est d'une modernité incroyable. Il parlait de la question de l'immigration, déjà à cette époque. Qu'est-ce qu'il en disait ? Mais il dit des choses que dit aujourd'hui le mouvement progressiste, c'est-à-dire que l'immigration telle qu'elle est organisée aujourd'hui par les employeurs, certains disent le patronat, vise bien souvent à peser sur les salaires ouvriers ou prolétaires, qu'il disait à l'époque, du pays dans lequel ils arrivent. D'où le risque de xénophobie parmi une partie voilà, de la classe ouvrière. Il posait ces questions, il appelait, lui, à l'unité, à l'alliance, en disant, il employait le mot, nous sommes prolétaires, son frère, etc. Je crois que dans certains textes de Jaurès sur la notion d'humanité qui reste à construire, il y a une sorte de, peut-être de prémonition. À l'époque, lui imagine que cette communauté va se constituer à partir de l'union des travailleurs. Les droits sociaux. Alors les droits sociaux, c'est une histoire étrange parce que, en fait, il avait en partie raison, Jaurès. En quoi ? Le traité de Versailles va instituer l'Organisation internationale du travail. Le Bureau international du travail. Et le Bureau international du travail, c'est la première organisation internationale. Et elle est très ambitieuse, puisque le texte du traité de Versailles pose un certain nombre de principes, avec un principe numéro un qui mérite d'être appelé de temps en temps, le travail n'est pas une marchandise. Donc c'était bien parti. Et finalement, il a quand même eu tort. En quoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, les droits sociaux ne sont pas en tête du mouvement d'internationalisation, c'est le contraire. Ce qui a pris le pas, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Elle a été créée beaucoup plus tard, c'est une des dernières à avoir été créée, 1994, mais elle a tout de suite été créée avec un système juridictionnel qui permet de juger les États qui ne respectent pas les principes du commerce, la liberté du commerce, qui autorise des sanctions. Donc on a un système qui est clairement supranational, alors que l'OIT n'a pas de juridiction pour faire appliquer ces principes. L'internationalisation des travailleurs s'est fait doubler par celle des multinationales. Les entreprises multinationales sont maintenant extrêmement puissantes, plus puissantes que les syndicats, plus puissantes aussi que certains États. Donc ça, c'est ce qui n'était pas prévu. Si l'humanité est accueillante à tous les socialistes, c'est que Jaurès est décidément obsédé par cette unité de son parti. Seulement deux tendances s'opposent, deux catégories de militants, deux familles d'esprit, la réforme ou la révolution. Jules Guesde, l'autre leader majeur, est un marxiste efficace et sommaire qui refuse le gradualisme dans les réformes parce qu'à ses yeux, toute amélioration partielle du sort des prolétaires risquerait d'affaiblir leur énergie de révolter et la chance d'un grand soir où le capitalisme serait d'un seul coup renversé. Il voit dans la bourgeoisie un ennemi uni et irréductible, alors que Jaurès, qui discerne en elle une puissance anarchique et diffuse, souhaite s'allier avec sa frange réformiste. En 1899, il a d'ailleurs approuvé, contre beaucoup de ses amis, l'entrée d'un socialiste au gouvernement pour y soutenir des lois de progrès social. Il y a un Jaurès contrarié. Voilà, alors expliquez-nous ça. Jaurès veut faire l'unité des socialistes, qui sont éparpillés en plein de familles. Mais au moment où il fait ça, il va concéder un peu à la tendance dite guédiste, marxiste, matérialiste. Donc il est là, non plus le pur intellectuel Jaurès, non plus Jaurès lui-même, mais Jaurès, le chef de parti qui cherche à rassembler. Et donc il fait des compromis. Tout le XXe siècle socialiste va être dominé par ce compromis jaurésien, dont on peut considérer, et en tout cas c'est ma lecture aujourd'hui, qu'il n'a pas nécessairement fait du bien à la gauche française. Expliquez-nous ça. Mais parce que nous sommes dans le divorce des actes et des discours. Et s'il y a une interprétation si matérialiste, si anti-individualiste, si étatiste, et une telle domination de la pensée marxiste sur la pensée française, j'aurais parlé avant du socialisme français, avant 1905. C'est précisément parce qu'il y a ce moment où Jaurès concède pour obtenir l'unité du parti un certain nombre d'éléments de doctrine à Jules Guesde. Quelle est la conviction de Jaurès à l'époque? C'est qu'il a le temps pour lui, c'est le même optimisme que celui de Clémenceau, c'est que sa supériorité intellectuelle est telle que ce moment tactique de 1905 va être dépassé par l'histoire. Et c'est vrai qu'il commençait à le dépasser, mais il a été assassiné. Et donc, d'une certaine façon, ce processus s'interrompt. Et donc, quand on étudie Jaurès, il est à la fois une formidable ressource positive et actuelle pour penser des éléments comme la morale laïque, l'individualisme républicain, la dimension spirituelle d'une vie en société et d'un lien social, évidemment aussi la justice. Mais il doit nous faire réfléchir aussi sur le prix des compromis en politique. Car d'une certaine façon, ce très grand intellectuel qui, à un moment, pour des raisons, je dirais, de contingence historique, fait l'unité des socialistes, paye lui-même très cher ce compromis, la rupture avec beaucoup de ses amis de la revue socialiste à l'époque. Il y a beaucoup de socialistes français issus de cette tradition qu'on évoquait tout à l'heure qui vont prendre leur distance avec Jaurès à ce moment-là. Et quand on lit l'histoire du socialisme, on voit que ce divorce entre deux théories socialistes et deux attitudes dont Jaurès essaye de faire la synthèse, on va les retrouver à tout moment de l'histoire de la gauche. Ce qui explique que le Parti socialiste, qui a eu parfois des pratiques opportunistes au pouvoir, ah bon, a toujours tenu des discours très marxistes de lutte des classes. Et donc un écart formidable, dont nos concitoyens ont d'ailleurs parfois souffert, entre les discours et les pratiques. Ces querelles rebondissent lors de tous les congrès de l'Internationale socialiste, à Amsterdam, à Bruxelles, à Stuttgart, à Londres, et les chocs de personnes se mêlent aux controverses doctrinales. Les deux familles du socialisme, celle qui tient pour l'absolu de la révolution et celle qui, sans en abandonner le rêve, accepte des concessions au réel et le pas à pas du progrès social, continuent longtemps d'être antagoniste. Jaurès, quelques concessions qu'il ait dû faire au tenant du tout ou rien, ne renonce pas à un syncrétisme au service de ce qu'il appelle le beau soleil de l'unité. Alors si vous prolongez Jaurès, sa ligne, son influence, et que vous arrivez à Lénine, vous avez l'impression d'une continuité ou d'une rupture? Ils sont à l'Internationale tous les deux, mais Lénine n'est pas d'accord avec Jaurès. D'ailleurs, il dit aux délégués socialistes français, les tendances guédistes des délégués socialistes français, méfiez-vous de cet homme. Mais quel argument emploie-t-il? Il n'emploie aucun argument politique ou idéologique. Il leur dit, il est trop brillant. Bien plus tard, lorsqu'en 1924, le gouvernement du cartel des gauches fait transférer les cendres de Jaurès depuis Albi jusqu'au Panthéon, le rêve d'unité a volé en éclats, balayé par une guerre mondiale et par la révolution bolchévique. Deux cortèges hostiles accompagnent Jaurès, l'un communiste, l'autre socialiste et radical. Les mineurs de Carmaux, sourds aux querelles et fidèles à Jaurès, poussent l'immense pavois roulant qui porte sa dépouille. Quand les socialistes disent que vous avez fait capturer la mémoire de Jaurès, vous avez fait un acte de, vous avez saisi au profit du Parti communiste et qu'il appartient autant aux socialistes, qu'est-ce que vous dites? Au moment où il le disait, le Parti communiste n'était pas très jaurésien. Le Parti communiste, il était plutôt dans une voie de bolchevisation. Donc, tous les deux, l'un et l'autre ont tordu un petit peu la réalité. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'à la fois les socialistes soient jaurétiens et que les communistes aussi soient jaurétiens. Le redeviennent, ils le sont plus qu'ils ne l'ont été, je pense. Ce que je disais. Depuis les années 75-76, je pense que les communistes sont jaurétiens au sens de la démarche, au sens de la manière de penser la transformation sociale. On n'est plus au grand soir, on n'est plus à la dictature du prolétariat. À l'automne de 1912, tandis que les Balkans s'enfièvrent à nouveau et menacent à court terme d'enflammer toute l'Europe, le bureau de l'Internationale socialiste convoque à Bâle un congrès extraordinaire. Un seul point est à l'ordre du jour, la paix. La paix à sauver. Dans la cathédrale, Jaurès prononce le plus célèbre de ses discours. J'appelle les vivants pour qu'ils se défendent contre le monstre qui apparaît à l'horizon. Je pleure sur les morts innombrables couchés là-bas vers l'Orient et dont la puanteur arrive jusqu'à nous comme un remords. Je briserai les foudres de la guerre qui menacent dans les nuées. Oui, j'ai entendu cette parole d'espérance, mais cela ne suffit pas à empêcher la guerre. Il faudra toute l'action concordante du prolétariat mondial. Et Jaurès incite ses camarades à jurer, en se séparant, de sauver la paix et la civilisation. Donc, on continue d'évoquer, en cas de conflit imminent, une grève générale et internationale du prolétariat. Mais déjà, les observateurs et les acteurs les plus lucides discernent que de chaque côté du Rhin, les traditions, les tempéraments, les doctrines se dessinent comme trop divergentes pour que cette éventualité soit probable. En France, un projet de loi prévoit, dans la perspective de la guerre possible et pour éviter un déficit des effectifs, de porter le service militaire de 2 à 3 ans. Jaurès s'engage, au Parlement et dans le pays, dans une campagne méthodique contre les 3 ans. La loi des 3 ans copie dans son mécanisme de caserne le militarisme allemand. Notre projet est d'accroître la puissance défensive de la France. Le devoir est de développer les garanties d'avenir qui conviennent à un grand peuple par l'éducation de la jeunesse, par l'organisation des réserves, par l'armement du peuple sur place. Le 25 mai 1913, le Parti socialiste organise une vaste manifestation contre la loi au Pré Saint-Gervais. Jaurès y parle devant près de 100 000 personnes et son discours est resté fameux. Je demande à tous ceux qui prennent au sérieux la vie, qu'allez-vous faire de vos 20 ans? On vous dit, c'est le refrain d'aujourd'hui, allez à l'action. Mais qu'est-ce donc que l'action sans la pensée? C'est la brutalité et l'inertie. On vous dit, écartez-vous de ce parti de la paix qui débilite les courages. Et nous, nous disons qu'aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Dans le même temps, se déchaînent contre lui des déferlements de haine dont on peine aujourd'hui à prendre la mesure. On le traite de tambour-major de la capitulation, d'agent du parti allemand et de traître par essence. Et pas seulement à l'extrême droite, où dans les colonnes de l'Action française, Léon Daudet appelle sans détour à tuer Jaurès. Mais chez Charles Péguy lui-même, qui, bien loin des fraternités dreyfusardes de jadis, tient ce propos effrayant. Dès la déclaration de guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès. Nous ne laisserons pas derrière nous ces traîtres pour nous poignarder dans le dos. Cerné par tant d'imprécations, Jean Jaurès écrit en juillet 1913 « Si j'ai eu parfois la tentation de mesurer ma valeur propre et les services qu'en une vie de dévouement et de combat j'ai pu rendre à mon parti et à la République, si j'avais la tentation de les mesurer à la violence des haines permanentes que j'inspire, alors je commettrais sans doute le péché d'orgueil. » « Le meurtrier du 31 juillet 1914, Raoul Villain, n'aura plus qu'à conclure « J'ai abattu le porte-drapeau, le grand traître de l'époque de la loi de 3 ans, la grande gueule qui couvrait tous les appels de l'Alsace-Lorraine, je l'ai puni. » La fin de l'histoire de ce crime est stupéfiante. Villain demeure en prison pendant toute la guerre et il est par là protégé du risque militaire, alors que Louis Jaurès, fils unique, est mort au feu. L'assassin est jugé en mars 1919 dans une atmosphère de patriotisme dévoyé et il est acquitté par un jury populaire. La veuve de Jaurès, chose inouïe, est condamnée à régler les frais de justice. Des manifestations spontanées ont lieu. Anatole France écrit dans l'Humanité « Un verdict monstrueux proclame que cet assassinat n'est pas un crime. Travailleurs, veillez. Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous ceux qui défendent votre cause. » Ironie de l'histoire, Villain, au terme d'une pauvre vie d'errance, meurt en 1936, au début de la guerre civile d'Espagne, à Ibiza, fusillé par les républicains, sans qu'on sache à coup sûr si ceux-ci l'avaient identifié. Faut-il donc faire de Jean Jaurès et de ce qu'il nous laisse un privilège de la gauche ou bien plutôt un héritage pour tous? On aura peut-être le goût de suivre Léon Blum, qui, plus que nul autre, voulut s'en inspirer et lui être fidèle, et qui disait « Nous le gardons pour nous et tout en le gardant, nous le remettons à la nation et à l'histoire. » Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert

Dans la longue interview qu'il donne au magazine Le Point de cette semaine, Emmanuel Macron affirme une nouvelle fois qu'il a baissé les impôts. Et cette affirmation me fait bondir. Mais pourquoi ? C'est faux ? Bah écoutez, la seule vérité qui tienne en matière d'impôts, c'est celle du taux de prélèvement obligatoire. Oui. Il est calculé par l'INSEE. Pour l'année 2022, ce chiffre est à 45,4%. C'est-à-dire que sur 100 euros d'activité économique créée par les consommateurs, les entreprises, la puissance publique en prélève 45,4%. Sous forme d'impôts, de taxes et de cotisations, c'est tout bonnement le chiffre le plus élevé de l'histoire du pays, un record. Jamais les Français n'ont payé autant d'impôts qu'en 2022, la dernière année de la présidence Macron, premier mandat. Et encore, ce chiffre est relativement prudent, parce que la vérité est plus problématique encore. Ben allons bon, ça veut dire qu'on paye encore davantage ? Oui, parce qu'en bonne logique, il faudrait rajouter aux impôts effectivement payés et perçus les fameux 45,4%. Oui. Le montant du déficit public de 2022. Parce que le déficit d'aujourd'hui, bah, c'est très probablement de l'impôt pour demain, quand il faudra honorer les échéances de la France. Si on rajoute les quelques 125 milliards d'euros du trou budgétaire français, on passe allègrement la barre des 50% plus facilement que Sergueï Boubka passait la barre des 6 mètres. Dites-moi, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment Emmanuel Macron peut-il dire qu'il a baissé les impôts de plusieurs dizaines de milliards d'euros ? Bah, écoutez, c'est vrai qu'il a supprimé la taxe d'habitation, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ce mouvement de baisse a été contrarié par le rendement croissant des autres impôts. Et que le solde général, il est largement défavorable aux contribuables, qui paye davantage au total que sous François Hollande. C'était déjà un record en matière fiscale, hein, 2013. C'est la reprise économique qui a fait bondir les recettes fiscales et fait spontaner la croissance. Mmh. Et puis, il y a aussi, c'est plus contestable, des transferts d'un impôt à l'autre, des tours de passe-passe. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des impôts qui ont augmenté. Écoutez, reprenons l'exemple de la taxe d'habitation. Voilà. Elle a été supprimée pour les résidences principales, d'accord. Mais en contrepartie, la taxe foncière explose, avec des augmentations à deux chiffres dont vous avez parlé tout à l'heure. Hein, plus de 20% à Metz, 30% à Grenoble, 60% à Paris. Et puis, la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et les logements vacants bat tous les records, elle aussi. En fait, il n'y a pas eu suppression, il y a eu transfert du financement des communes sur les propriétaires en faveur des locataires. Alors, c'est une sorte de tour de passe-passe, vous le dites vous-même, hein. Ce sont les communes qui augmentent les taxes, pas l'État. Peut-on alors reprocher à Emmanuel Macron cette nouvelle charge fiscale ? Écoutez Yves, une bonne partie de ces hausses a été déclenchée par l'État. Ah. La revalorisation des bases cadastrales d'abord, à partir desquelles on calcule la taxe foncière. Augmentation unilatérale de 7% cette année, qui se traduit par la montée équivalente de la feuille d'impôt. C'est Bercy qui l'a décidé. L'État vient encore de publier une liste de 2000 communes qui pourront augmenter jusqu'à 60% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. En fait, on nous donne d'une main pour nous reprendre de l'autre, et l'addition finale, elle, s'est sensiblement alourdie. Les choses sont parfaitement claires. Merci beaucoup François Langlais. On retrouve toutes vos chroniques et vos hors-séries sur le monde de l'économie sur le site et sur l'application RTL. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon père. petits souliers. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux à ce bilan de commission Affaires sociales. Je me présente, Karen Erodi, députée du Tarn. Je vais présenter ce bilan avec mes collègues et camarades François Ruffin et Farida Amrani. Mes camarades, alors Louis Boyard, excusez-moi, qui va arriver, qui n'est pas là et qui se fait désirer, va arriver donc du coup dans 5 minutes. Il y a dans cette commission aussi Adrien Clouet, Caroline Fiat, Rachel Keke qui est en conférence et qui ne peut pas être parmi nous non plus aujourd'hui, Jean-Philippe Nilor, Jean-Luc Ratenon et François. Donc cette commission est celle qui touche directement votre vie au quotidien. Elle touche vos salaires, vos retraites, les allocations. Nous défendons les principes d'équité et de justice sociale dans cette commission et on part du concret, de votre vie, de la vie des gens, des invisibles et de tous ceux que le gouvernement ne veut pas voir. Cette année a été remplie d'attaques contre nos droits sociaux. Donc, vous l'avez vu, hein, chômage-retraite. Donc, cette commission est l'antichambre de défense de nos conquis sociaux. Pour nos retraites, vous avez vu, vous, battu le pavé. Vous avez tous été combattre cette bataille de retraite dans la rue. Nous, on a tenu la tranchée à l'Assemblée nationale pour nous battre contre cette réforme des retraites scélérate et basée sur des mensonges uniquement. La commission a été au cœur de la bataille des retraites. Nous avons vu passer dans cette commission la loi transpartisane Elliott qui voulait abroger cette retraite et elle a été torpillée par la Macronie et ses alliés hein, jusqu'au RN. Et la présidente de la commission Affaires sociales nous a empêchés de sous-amender et de travailler. Elle a dépossédé l'opposition de ses droits et plus largement dépossédé les parlementaires de leur droit constitutionnel d'amender. C'est clairement un hold-up démocratique fait par notre président de commission qui a été remercié par Macron. Il l'a remercié d'avoir enterré en fait notre démocratie. Elle a été nommée juste ministre. Donc Macron et ses députés tuent notre démocratie. C'est du jamais vu quand même dans la Ve République. Et c'est extrêmement grave ce qui se passe chez nous. Cette commission est également un lieu de lutte contre l'inaction. Heureusement, notre groupe parlementaire est force de proposition. On a travaillé pour réduire les déserts médicaux, travaillé sur le pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat réel, sur le partage de la valeur. Et eux essayent toujours de proposer des primes à droite à gauche et de fait ils tuent la sécurité sociale puisque ils enlèvent tous les bénéfices, toutes les recettes qui nous faut pour que notre sécurité sociale fonctionne correctement et pour tout le monde. Nous avons défendu aussi le SMIC à 1600 euros qui a été refusé par la Macronie et jusqu'au RN. On tient à le souligner parce qu'ils se disent eux défenseurs du peuple, mais ils sont comme les autres. En outre, dans cette commission, on travaille aussi sur les personnes âgées, sur les droits de nos aînés. Il y avait une grande annonce sur la loi grand âge qui devait arriver et qui devait faire changer la situation de nos aînés. Et non, cette loi grand âge n'a pas vu le jour. on a vu une petite loi bien vieillir, travaillée à la hâte, proposée à la hâte par le gouvernement. Et c'est terrible parce qu'on le voit aujourd'hui avec les chaleurs, enfin, cette semaine avec les chaleurs qu'il y a eu, ben, nos personnes âgées, nos aînés, dans les EHPAD, même chez eux, ont des difficultés ben, à survivre. Hein. C'est clairement de l'inaction meurtrière. Il faut dire et poser les mots parce que c'est une catastrophe. Et parfois, ces propositions, parfois dans nos propositions, on en a qui sont adoptées. Il y a eu la PPL visant à renforcer la protection des familles d'enfants touchés par une affection longue durée. Là, nous avons gagné un congé parental de 12 jours. Il était de 5 jours avant pour les parents qui ont un enfant qui est décédé. Donc, il y a des victoires, il y a des petites victoires, mais voilà, faut le dire quand il y en a, faut s'en féliciter, faut le saluer. Malheureusement, il y a toujours un mais. Nous avons le Sénat, ben à l'Assemblée, on arrive à avoir ces victoires, mais au Sénat, où la droite est majoritaire, et ils arrivent à du coup, enterrer le peu qu'on peut gagner. Alors, nous obtenons parfois ces victoires. Alors, imaginez si, le jour où vous nous portez au pouvoir, ce qu'on pourra faire pour votre quotidien, pour votre vie de tous les jours, et pour améliorer la vie de l'ensemble des citoyens. Nous, parlementaires de la NUPES, nous avons pour ambition de changer le monde, de le transformer avec notre programme de gauche et de rupture. Nous avons défendu les travailleurs et les travailleuses, trop souvent oubliés. François, peut-être, en parlera mieux que moi. Nous avons aussi défendu l'allocation autonomie pour les jeunes. Louis est le fer de lance de ce sujet. Il sera intarissable sur le sujet, pardon. Il y a l'accès aux droits... l'accès aux soins. Et on a fait un groupe de travail et Farida, je te laisserai si tu le souhaites dire quelques mots dessus. Mais il y a aussi eu le travail de Caroline sur la fin de vie, pour ne citer que. Je ne vais pas être plus longue, je vais terminer sur ça et passer la parole à mes camarades. Nous allons quand même continuer à lutter à la rentrée, parce que la rentrée va être chaude en attaque de la Macronie et de leurs alliés contre nos conquis sociaux. Il va y avoir la loi France Travail. C'est une nouvelle régression proposée par le gouvernement. C'est encore et encore une attaque faite vis-à-vis de nos demandeurs d'emploi. Il y aura bien sûr le projet de loi finance de la sécurité sociale. Le gouvernement a préparé une cure d'austérité via l'augmentation de la franchise sur les médicaments, la réduction d'arrêt de travail. Ils font la chasse aux arrêts de travail. Chez moi, dans le Tarn, ils sont en train de demander, enfin, la sécurité sociale demande à nos médecins de faire moins d'arrêts de travail. Nos médecins sont sous pression et moi, dans ma circo, il y a 20 médecins qui sont montés au créneau pour dénoncer ces façons de faire. Ils préparent aussi le déremboursement de nos soins dentaires. Ils vont passer de 70 à 60% remboursés. C'est une catastrophe. Il y aura peut-être la loi bien vieillir qui va revenir, s'ils daignent la remettre à l'ordre du jour, parce qu'ils l'ont plus ou moins enterrée. Et on va retrouver la loi sur la fin de vie. Nous devons toutes et tous nous mobiliser à la rentrée. Et nous, parlementaires LFI NUPES, nous serons au rendez-vous pour essayer de préserver et d'améliorer vos conditions de travail. De vie. Conditions de vie. Et de travail aussi, ça va avec. Merci. Un, deux. Merci à vous. Bon, moi, je suis le remplaçant de Adrien Clouet, qui devait être là, parce que c'est quand même l'un des chefs d'orchestre de la commission, on peut le dire. Donc, je viens juste le remplacer. Je me demandais pourquoi il y avait autant de jeunes qui étaient passionnés par la commission des affaires sociales. On m'a expliqué qu'en fait, vous étiez là juste pour piquer le siège et attendre Dany Eraz après, ok. Mais on va meubler en attendant. Donc voilà. Alors moi, j'étais à la commission des affaires économiques lors du dernier mandat. Je voulais m'en prendre au patron en face de moi lors du dernier mandat. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais changer. Je vais aller en affaires sociales. C'est beaucoup plus gentil. On arrive, il y a un macroniste qui vous dit, mais tu sais, moi, au fond, je suis de gauche. Les macronistes, c'est toujours comme ça. C'est comme les chauves-souris. Ils vous disent non, mais je suis pas un rat, regardez mes ailes. Non, mais je suis pas un oiseau, regardez mes pattes. C'est toujours comme ça. Donc on sait pas comment les attraper. C'est des espèces de savonnettes. Bon, moi j'aurais dit non, t'es pas de gauche, t'es avec Macron, c'est tout. Bon. J'avais pas d'espoir moi d'avoir de victoire plus en commission des affaires sociales comme commission des affaires économiques. On fait le boulot. Pourquoi faire le boulot? Évidemment. Pour moi, on n'aura pas de victoire à l'intérieur s'il n'y a pas des victoires électorales, évidemment, mais si ça bouge pas dehors. Donc, on a quand même un gros point d'appui dehors avec les manifs sur les retraites pour faire une caisse de résonance à l'intérieur, pour faire un point de friction à l'intérieur. Maintenant, en commission, ils peuvent dire stop, les débats sont terminés, ça passe en hémicycle, et puis c'est fini. Donc c'est un lieu où on essaye de dire quand même qu'on a des bonnes relations avec toutes les composantes de la NUPES à l'intérieur de la commission. Il me semble que grosso modo à peu près 100%, on va dire 99,99% des amendements sont votés en commun. C'est l'exception quand il y en a un sur lequel il y a un désaccord, et y compris par rapport au mandat d'avant où on était quand même moins nombreux, à la fois dans nos rangs et dans les rangs des camarades de gauche. Quand on est en difficulté, parce que c'est des lieux de débat où on peut se trouver en difficulté, ils viennent, ils montent au front et on trouve des relais pour venir se défendre les uns les autres dans des moments comme celui-là. Je vous donne juste, à mon avis, la logique générale de ce que fait Macron sur notre commission. Hein. Pour moi, ce qui compte, c'est le rapport de force capital-travail. Qu'est-ce qui se passe? On a une donnée démographique qui est importante. La donnée démographique, c'est que il y a moins en moins, entre 20 et 65 ans, pour des raisons démographiques, on a de moins en moins de gens qui sont en âge de travailler comparé à la masse de la population française. D'où des métiers en tension, ainsi de suite. Ça veut dire que pour la première fois depuis longtemps, il y a la possibilité d'une inversion du rapport de force capital-travail. Donc, eux, ils ont pour objectif de diminuer ça, de restaurer la concurrence à l'intérieur du monde du travail en étendant le réservoir de main-d'œuvre pour maintenir le même rapport de force. Et donc, il faut regarder ce qu'ils font quand même comme étant très cohérent. C'est quoi? La première loi qu'on a eue l'année dernière, c'est sur le chômage, qui consistait à dire, grosso modo, un cariste du Nord, quand il est dans une période de chômage, on peut lui demander d'aller faire serveur dans le Sud. Donc une mobilité de la main-d'œuvre qui permet d'étendre le réservoir. Quand on regarde ce qu'ils font sur les retraites en disant, allez, on va repousser de 2 ans, l'OFCE a calculé que ça ferait moins 3%, une pression à la baisse de moins 3% sur les salaires sur 10 ans. Donc vous voyez ça. Et je crois que la troisième chose qu'ils essayent de faire sur un certain nombre de métiers, par exemple les auxiliaires de vie sociale ou des choses comme ça, en disant bon, on va avoir des filières d'immigration où les gens ils viendraient rester 3 mois, 6 mois, 9 mois pour faire le boulot et puis on les fait repartir. C'est ce qui se passe dans le domaine agricole. Et en fait, il faut regarder ça comme ayant une très grande cohérence entre les trois pour des raisons, à mon avis, essentiellement démographiques et de maintenir le rapport de force entre les deux. Alors c'est vrai que moi quand même. On peut être lassé d'arriver avec nos amendements, se faire taper, ainsi de suite. Et il y a quelques moments de vérité où on arrive à arracher une parole vraie. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour nous, mais une parole vraie de la part du gouvernement. Moi, j'ai un moment, on était en préparant la loi France Travail là qui arrive. On interpelle Olivier Dussopt sur l'accompagnement des travailleurs au RSA, enfin des gens au RSA, pardon. Bon. On interpelle là-dessus et je l'interpelle aussi sur la montée. Il y a 2 changements majeurs dans le monde du travail sous Macron. Le premier changement, c'est la multiplication des apprentis, d'accord? Mais des apprentis non pas à un niveau CAP, BEP, mais en vérité à un niveau Bac plus 2, Bac plus 3, c'est-à-dire sur une main-d'œuvre qui est déjà largement formée. Ça, c'est la première transformation. La deuxième transformation, c'est la super croissance des auto-entrepreneurs qui arrivent même dans le monde de l'industrie, et ainsi de suite. Donc j'interpelle sur les auto-entrepreneurs et Olivier Dussopt nous dit que nous, on est pour une présomption de salariat, mais que eux, ils sont pour une présomption d'indépendance. Ça a l'air de rien, mais c'est un truc qu'ils ont jamais posé publiquement comme ça. Normalement, le droit du travail français, la tradition du droit du travail français, c'est d'avoir la présomption de salariat. Et là, ils inversent complètement le truc. Savoir que ça fait résonance avec une bataille qui se déroule à Bruxelles, parce qu'on est dans une situation qui est inédite. C'est que depuis 5 ans, la France est plus libérale que l'Union européenne. Mais oui, On se retrouve dans cette situation, et notamment sur la présomption de salariat, puisque notamment grâce à Leïla Chebbi, notre députée européenne, enfin l'une de nos députées européennes, elle est parvenue à pondre un texte avec les Espagnols, les Portugais, pour dire qu'il doit y avoir une présomption de salariat. Alors ça a l'air chiant, présomption de salariat, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un auto-entrepreneur, enfin un gars de chez Uber plus exactement par exemple, eh ben il va avoir le droit au chômage, il va avoir le droit au congé, il va avoir le droit à l'assurance maladie, il va avoir le droit à la retraite. Donc tout ça y compris dedans. Ça change quand même un peu tout. Elle a réussi à faire passer que la Commission, le Parlement, est pour la présomption de salariat, donc tous ces droits-là pour les travailleurs des plateformes. Elle a réussi à obtenir la même chose de la Commission. Et qui bloque? C'est Macron, Borne, Dussopt, qui font pression pour que, surtout, ça ne se mette pas en œuvre au niveau européen. Il y a une grande bataille là qui est encore en cours pour Leïla et au niveau européen, mais que nous, on doit appuyer ici. Donc là, Dussopt disait la vérité du gouvernement français, à savoir qu'il veut l'auto-entrepreneuriat maximum et il veut diminuer sur les salariés. Personnellement, moi, à la rentrée, je vais porter un rapport sur ATMP. Vous savez, c'est comment on détourne le rôle parlementaire. Hein, on a un rôle comme ça de devoir... Bon, voilà, la fonction, normalement, c'est de pondre un rapport un peu chiant sur les accidents du travail, maladies professionnelles. Tous les ans, c'est le même, pour dire que le budget, il va comme ci ou il va comme ça. Moi, je voudrais mettre un point sur les inaptitudes. Le taux d'inaptitude, ces 5 dernières années, il a augmenté de 50%. C'est passé de 4 travailleurs pour 1000 à 6 travailleurs pour 1000. Et je, voilà. Donc, je pense qu'on est à la fois dans l'institution, mais pour essayer d'en bousculer, d'en divertir, d'en détourner le sens. Voilà. Merci François. Moi, je vais continuer effectivement en tant que commissaire dans cette commission des affaires sociales. Moi, beaucoup de nos collègues, en fait, députés, souhaitaient intégrer cette commission sociale, vraiment. Et donc, du coup, il a fallu faire quand même un choix, puisqu'on a, je crois, 10 commissaires seulement pour notre groupe qui peuvent siéger dans cette commission. Et donc, du coup, moi, j'en ai fait, je me suis battue, parce qu'il fallait aussi battre avec les autres camarades pour pouvoir intégrer cette commission. Donc, j'ai eu la chance que ce soit mon premier choix qui soit retenu. Et donc, du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, c'est mon premier mandat, contrairement à mon camarade François. Et quand on est dans cette commission-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'hémicycle, on est dans la commission où il y a plus de facilité, en fait, de discuter avec nos autres collègues députés, même si on sait pertinemment, en fait, qu'eux, ils ont ligne et qu'ils parleront pas dans l'hémicycle. Mais en fait, on les oblige à parler au sein de cette commission-là, de se positionner. Et ce qui les agace énormément, c'est quand on parle de la vie des gens, quand on donne des noms, parce que nous, dans nos circonscriptions, on rencontre les gens. Les gens viennent nous voir, donc on les connaît. On connaît la vie, parce qu'on l'a vu déjà, nous, on a vécu tout ça. Mais quand on dit, quand on appelle les gens par leur prénom, en disant, voilà, on va prendre un exemple, l'exemple d'Abdel, Monique, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment des gens qu'on a rencontrés. C'est-à-dire que nous, on n'exagère pas. Des gens qu'on a rencontrés, qui nous ont expliqué leurs problématiques. Et donc, on ne fait que porter, parce qu'on a été aussi élus pour ça, leurs revendications et leurs problématiques à l'Assemblée. Et donc, du coup, pour trouver des solutions. Et ben, figurez-vous, moi, j'ai rigolé, parce que du coup, je me suis dit, bah ouais, vraiment, ils nous copient un peu quand même. Et il y a un député, d'ailleurs c'est le ministre qui l'avait fait, parce que le député l'avait fait, mais la ministre en charge de l'enseignement, bah justement comme tu dis de l'apprentissage, eh ben pour nous contrer, nous donner le nom de, je crois que c'est Monique, c'est ça? Ouais, Nadine. Donc voilà. Et donc du coup, tous les autres députés dans l'hémicycle ont repris le prénom de Nadine, même s'ils connaissaient pas de Nadine dans cette voilà. Donc du coup, on voit bien qu'à un moment donné, à force de leur donner, en fait, tout simplement, de leur mettre en pleine figure la réalité des gens, ils sont obligés de la prendre et donc, du coup, de répondre. Et donc, du coup, la Nadine, malheureusement, elle n'était pas dans les quartiers populaires, elle n'était pas en difficulté, elle n'était pas au RSA, elle n'était pas en recherche, non, pas tout ça. Et c'est, voilà. Donc, du coup, c'était pas notre Nadine à nous. Voilà. Ah, madame Fiat est arrivée, mais c'est notre commissaire également qui est là. Comment ça se dit? Ah non, on vient de commencer. Tu rigoles ou quoi? Ah non, moi je voulais... Ah non, on vient de commencer. Ah bah oui, mais non. Ah bah si, il y a du retard. Ah non. Je reprends, ça suffit. Et on a voulu, donc du coup, nous jeunes parlementaires, on s'est dit, on va quand même, on va travailler, on va faire des propositions concrètes, vraiment. Et donc, du coup, il y a, comme tu disais, Karen, tout à l'heure, ce fameux groupe de travail qui est mis en place, groupe de travail transpartisan autour de l'accès aux soins. Parce que, justement, on parle aussi de la santé dans notre commission et de l'accès aux soins. Donc, l'accès aux soins qui est une difficulté de plus en plus, les déserts médicaux, et l'accès aux soins, c'est quelque chose qui est attendu par tous les Françaises et les Français. Et on se rend compte que, ben, en fait, on n'a plus accès, et que le désert médicaux, c'est pas que dans les zones rurales, c'est aussi dans les zones urbaines. Et donc, du coup, on a voulu travailler avec nos camarades de tous les bords. Ben, bon, le RN était absent, ça m'étonne pas. Mais les autres, les macronistes, étaient là. Et donc, on a commencé à porter des amendements et à discuter entre nous en disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait porter en commun? Donc, qu'est-ce que... Et en fait, on s'est vite heurté au fait que, autour de la table, ben, en fait, on était quatre. Donc Karen et moi et d'autres copains, un autre copain du PC et un des Verts. Et en fait, on était les seuls à pas être médecin ou pharmacien ou kinésithérapeute. On était les seuls à pas être du milieu. Et donc du coup, en fait, ils se sont mis dans ce groupe de travail pour garder en fait leur précaré et protéger tout simplement leurs privilèges. Et donc du coup, quand on a porté le fait de dire, bah écoutez, les médecins, quand les médecins sortent de les, quand ils sont sortis, qu'ils terminent, ils doivent être affectés quelque part, comme les professeurs, comme les pharmaciens, c'est-à-dire affectés là où on a besoin d'eux. Bah vous comprendrez bien qu'ils n'ont jamais voulu ça, parce que ça, eux, ça les intéressait pas, et ils voulaient plutôt se dire, bah je vais là où j'ai envie, je préfère être à Nice plutôt que en région parisienne dans le 93. Hein. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité de cette commission-là. Donc je vais pas être plus long parce que j'aimerais bien avoir quand même des échanges. Louis n'étant pas arrivé, donc du coup si vous avez des questions, allez-y parce qu'il nous reste 5 minutes. Ouais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, savoir comment ça fonctionne. Où on en est sur tel et tel... Non, en tout cas, à la rentrée, c'est vrai que on va avoir une rentrée assez chaude et que en fait, va arriver France Travail. Bah, vous aurez compris que Macron, c'est le président des riches et donc, du coup, il déteste les pauvres. Et donc, France Travail, c'est tout simplement, dans un premier temps, bah, fliquer et ceux qui sont au RSA, donc les pauvres, et, voilà, et leur faire travailler de façon gratuite, c'est ça, hein, la base. Pendant 15 heures de façon gratuite. Oui. Pardon, justement par rapport à ce travail là qu'ils vont donner, mais ça va être fait comment? C'est détaillé ou pas? Parce que dans un endroit où il y a du chômage et tout. Alors, pour l'instant, on n'a aucun détail là-dessus, et donc on sait que c'est 15 heures. Et là, tous les gens qu'on a rencontrés, notamment au Pôle Emploi, eh ben se posent la question qui va suivre quoi. C'est-à-dire que comment ils vont recenser? Ils ont déjà du mal aujourd'hui au niveau des postes en fait, des recrutements. Donc là, comment on va définir les 15 heures? Je ne sais pas, personne ne sait. Donc ils ont dû normalement avoir des tests dans certains territoires, sauf que les tests n'ont pas été au bout. Ils viennent de commencer les tests et ils mettent en place leur proposition de loi. Donc du coup, les tests n'ont pas eu lieu. Donc on ne sait pas. Je sais que c'est le conseil départemental qui va devoir voter une délibération justement pour soit sanctionner. Donc il y a aussi une sanction derrière pour pouvoir sanctionner ou pas les personnes au RSA. Je termine là-dessus. Mais je pense qu'il faut qu'on soit en contre, mais si on est en contre, je veux dire, on se désespère et tout ça, il faut qu'on soit en pour aussi. Qu'est-ce qu'on a à proposer? Ce qu'on a à proposer, pour moi, c'est la nationalisation du territoire zéro chômeur longue durée, qui est une expérience qui fonctionne depuis un certain moment, et on doit maintenant la mener, trouver le chemin pour la mener au niveau national, non pas seulement pour que les gens travaillent, mais surtout parce qu'il y a un certain nombre de besoins qui ne seront jamais remplis par le marché. Si on veut avoir un atelier de réparation par quartier ou par canton, ça peut pas s'appuyer que sur le marché, il n'y a pas de marché là-dessus.

2150 enfants et adolescents réunionnais sont enlevés à leur famille par la DAS, puis exilés en métropole, sans billet de retour. Certains étaient orphelins, mais beaucoup ont été enlevés à leurs parents dans des familles pauvres, contre la promesse d'études en métropole ou d'un retour pour les vacances qui n'aura jamais lieu. La majorité d'entre eux ont atterri en Creuse dans des foyers, des familles d'accueil ou des fermes. J'avais 8 ans. Je suis arrivée par le train de Guéret jusqu'à Vieilleville. De Vieilleville, eh ben, on est venu à pied ici, ce qui fait à peu près 3 km. Et je me suis retrouvée, je vais dire, complètement perdue. Quoi. Eh ben, je faisais tous les travaux. Hein. Tous les travaux de la ferme pendant 3 ans de temps. J'ai fait ça. C'est-à-dire labourer les champs, semer l'engrais, soigner les bêtes, tailler les haies, faire du bois. J'étais le domestique. Quelques enfants ont été bien accueillis. Beaucoup ont été maltraités. Tous ont été définitivement coupés de tout lien avec leurs racines et leur famille restée à La Réunion. Sur cette carte d'identité, je m'appelle Marie-Germaine Périgogne et là, je suis née à La Réunion. Et sur celle-ci, je m'appelle donc Valérie, en Danson, et je suis née à La Brionne, dans la Creuse. C'est-à-dire qu'on m'a changé mon nom, mon prénom et également mon lieu de naissance. Dans les années 60, à Guéret, les petits réunionnais ne passent pas inaperçus, comme le relate la presse locale de l'époque. Tous les employeurs qui ont pris comme apprentis ces jeunes gens s'en montrent extrêmement satisfaits. Cette expérience d'envoi massif d'enfants de La Réunion dans un département de métropole est la première tentée. Il faut penser que devant les excellents résultats qui ont été enregistrés, elle sera renouvelée. Les excellents résultats sont en fait parsemés de désespoir et de suicides, malgré les alertes données directeurs du foyer. J'ai vu qu'il n'y avait pas possibilité de les faire retourner. J'ai dit, arrêtez le massacre, n'envoyez plus d'enfants. Monsieur Debray était au courant qu'il y avait des enfants qui étaient malheureux, que son opération ne marchait pas très bien, en fait. Ah, bien sûr. On a fait un conseil d'administration extraordinaire. J'étais viré comme un malpropre. L'exil forcé de plusieurs milliers d'enfants réunionnais ne prendra fin qu'en 1982. Le lien familial du sang même, j'ai l'impression qu'on me l'a coupé. On prend un bananier, on essaye, on l'a enlevé, on l'a foutu là. C'est-à-dire, on l'a mis et puis à lui se débrouiller de repousser, de faire son chemin. Mais je vois que j'aurai toujours quelque chose de cassé. Que même si je retrouvais ma terre ici, il y a toujours quelque chose qui me manque. C'est étonnant, non? Je voudrais juste revenir sur un petit truc que vous avez dit tout à l'heure. Je voulais pas en parler tout à l'heure parce que nous restions dans le domaine du théâtre. Vous avez fait une réflexion acide, pour le moins, sur les restaurants du cœur. Ces manifestations générales qui mobilisent beaucoup de gens, et du show business, et de la télévision, et du cinéma, enfin, un petit peu partout, ça vous plaît pas, ça? Non, je trouve, je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on montre son cul. Je veux dire qu'on peut très bien faire le bien autour de soi. Moi, je me mets pas en avant du tout dans ce domaine, justement, parce que je suis contre. Mais j'ai mes pauvres, et je les montre pas à tous les passants. Ouais. J'ai vu cette émission sur des restaurants du cœur où il y avait... Oui, mais c'était très joli d'ailleurs. Mais il y avait un producteur de disques qui a ramassé des maquettes, pas à lui d'ailleurs, et qui les a bidouillées, triturées, et qui a mis des applaudissements bidons pour faire un disque. Et puis qui a profité de cette émission sur les affamés pour vendre son disque. Je ne sais pas si c'est humainement très joli. Bon, il y a d'autres gens, il y a des chanteurs qui, dans cette émission, qui sont venus, qui n'ont pas la chance de se montrer ailleurs dans d'autres émissions de télévision parce qu'on leur demande pas. Et qui sont venus donner leur bout de droit d'auteur, tout ça est un peu pas très joli. Mmh. Oui, mais est-ce que vous croyez que c'est quand même pas je veux dire, ça part quand même d'un bon fond, même s'il y a des cas. Le fait de mobiliser une population qui sinon serait quand même assez passive. Mais ça devrait. Le fait de mobiliser les gens par la télévision quand même arriver à faire quelque chose, c'est bien. Les gens devraient se mobiliser eux-mêmes, ce qui est un peu utopiste, ou alors c'est les pouvoirs. Oui, c'est le pouvoir public de le faire. Moi, je suis prêt à donner sur mes impôts ce qu'on voudra pour que les gens crèvent pas de faim. Oui, mais là, je pense que tout le monde criera à l'atteinte aux libertés. Alors que là, ne donne que ceux qui veulent. Vous savez, si on n'atteignait pas aux libertés, on n'aurait pas d'autoroute, on n'aurait pas de machine à vapeur, on n'aurait même pas de bombe atomique, on serait vraiment dans la merde. Ouais, ouais. S'il n'y a pas d'impôts. Surtout en ce qui concerne l'autoroute, remarquez. Oui. Enfin, je sais pas, j'étais pas tout à fait. C'est pour ça que je voulais. Non, mais il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. J'aime pas qu'on soit d'accord avec moi. J'aime bien me sentir tout seul. Ouais. J'ai un goût du paradoxe. J'en rajoute un peu là dans tout ce que. Allez-y. Je... Oui. Mais je pense quand même. Je sais pas. Je trouve pas joli de montrer son émotion. Ouais, mais là, est-ce que vous avez une solution alors? Dans ce genre de problème-là, pas forcément pour les restaurants du cœur, mais est-ce que quand vous êtes contre un truc comme ça qui vous, visiblement, vous. Mais je pense qu'on devrait civiquement éduquer les gens, et à commencer par les mômes. Ouais, mais est-ce que c'est pas du rêve, mais ça? C'est pas. À quel titre un clown comme moi peut dire moi je vais donner un cachet, faites comme moi, pourquoi en quoi je suis habilité à faire je veux ça? Dire, à la limite, moi je préfère ce genre de démarche qu'un leader d'opinion comme peut être un comédien ou un chanteur qui dit moi je vote comme ça, votez comme ça. Je préfère l'autre démarche. C'est pareil, ça me gêne autant qu'un clown ou qu'un acteur dise je vote comme ça, faites comme moi. En plus, on se gourre. Regardez Yves Montand qui prêchait pour Staline il y a 15 ans ou 20 ans, maintenant ils prêchent contre, ils savent pas très bien ce qu'ils font. Ces gens-là sont jamais adultes politiquement. C'est pas notre métier. Je veux dire que c'est pas notre métier. Oui, c'est. Mais c'est bien de donner à bouffer à des gens. Encore que ce serait mieux de leur apprendre. Il y a un proverbe chinois, vous savez, qui dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher aux gens que de leur donner des poissons. Et ça relève encore de l'État. Ouais, mais c'est long. C'est long. Mais là, une opération. Je veux pas vous dire que je suis vraiment contre les restaurants du cœur. Mais j'avais une idée. L'autre jour, c'était d'aller pendant le week-end avec des copains cambrioler les restaurants du cœur pour me faire une réserve de pipois. Mais là, je le ferai pas. Ce serait de mauvais goût. Oui, c'est ça qui est important. Je vous le confirme. Mais oui. C'est étonnant, non? Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia, un coup sourdine de succombine, et t'avais ton radar, tandis toi tu joues à l'homme. Tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pour riche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pépin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui gênent, et la mafia, elle est pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Revue de presse. Alors, Vosges Matin du mercredi 28 juin 2023. Hein, c'est déjà un peu ancien. À Marseille, Emmanuel Macron, sur tous les fronts, a une mère inquiète pour son fils sans emploi. Il a répondu qu'il y avait 10 offres possibles pour son fils. Alla même jusqu'à l'inviter, aller faire le tour du Vieux-Port avec lui pour lui en faire la démonstration. En 2018, il avait suscité une importante polémique pour avoir dit à un jeune sans emploi qu'il suffisait de traverser la rue pour en trouver. Alors, à côté de cet article, il y en a un autre. Russie, Poutine, Prigogine, le bras de fer à distance. Le Bélarus a annoncé l'arrivée mardi du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigogine, dans le cadre de l'accord ayant mis fin à la rébellion en Russie, où Vladimir Poutine s'est réjoui d'avoir évité une guerre civile. Bon, les deux sujets n'ont rien à voir, c'est sur la même page, mais bon, quand même, c'est sur la même page. Un étudiant demandait un jour à l'anthropologue Margaret Mead ce qu'elle considérait comme le premier signe de civilisation dans une culture. L'étudiant s'attendait à ce que l'anthropologue parle de crochets, de bols en argile ou de pierres à aiguiser. Mais non, Mead a dit que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne est la preuve d'une personne avec un fémur cassé et guéri. Mead explique que dans le reste du règne animal, si vous cassez la jambe, vous mourrez. Vous ne pouvez pas fuir le danger, aller à la rivière pour boire de l'eau, ou chasser pour vous nourrir. Vous devenez de la viande fraîche pour les prédateurs. Aucun animal ne survit à une patte cassée assez longtemps pour que l'os guérisse. Un fémur cassé qui a guéri est la preuve que quelqu'un a pris le temps de rester avec celui qui est tombé, a guéri la blessure, a mis la personne en sécurité et a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Aider quelqu'un à traverser des difficultés est le point de départ de la civilisation. Aider quelqu'un à traverser des difficultés est le point de départ de la civilisation, a expliqué Mead. La civilisation est une aide communautaire. Nos élus le savaient déjà, hein, ce que je viens de lire. Ils agissent dans ce sens. La civilisation, le progrès. Ils agissent contre le chômage. Nature riche. Liste des 21 ministres, députés et sénateurs actionnaires de Total. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Agnès Firmin-Lebaudo, ministre chargée des professions de santé. Jean-Louis Masson, sénateur apparenté RN. Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale LREM. Jean-Pierre Pont, député LREM. Jean-Marie Fievé, député LREM, Laurence Cristol, député LREM, Graziella Melchior, député LREM, Sabine Tillay, député MoDem, Frédéric Petit, député MoDem, Nicolas Turquois, député MoDem, Philippe Dominati, sénateur LR, Marc Le Fur, député LR, Agnès Canayer, sénatrice LR, Catherine Dumas, sénatrice LR, Nicolas Rey, député LR, Marie Mercier, sénatrice LR, Lucien Stanzione, des sénateurs PS, Gilbert-Luc Devinas, des sénateurs PS, Jean-Luc Wartzmann, député LIOT. 21 ministres, sénateurs et députés sont actionnaires de Total Énergie. Élus du peuple ou des intérêts du CAC 40, point d'interrogation. Jouer en équipe pour réussir l'Europe du quotidien. Réussir l'Europe du quotidien est entre guillemets, bien sûr, avec plus de 100 000 Mosellans qui franchissent chaque jour la frontière pour travailler. Le département est le deuxième en nombre de salariés frontaliers du pays. Et Metz, une capitale toute désignée, pour accueillir la 29e Assemblée Générale de la mission opérationnelle transfrontalière. Que c'est beau, ça. Oh, nos économistes, nos politiques, nos politiciens, nos politicards, ils sont bons quand même, hein? Ah oui, rien que là-dessus. Alors, bon, ça a ajouté dans la marge, Europa, Deutschland über alles, Kapitalismus über alles. Les Vosges, de nouveau terre d'industrie. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise se sont réunis au quai Alpha ce mardi pour mettre en commun leur savoir-faire. Un événement qui a permis de voir que, malgré les périodes difficiles, l'industrie vosgienne a su surmonter les obstacles et représente toujours un secteur important de l'économie locale. Voilà, ça s'est tiré de Vosges Matin, de quel jour, je ne sais plus, on ne sent pas d'importance en fait. Bon. C'est du Vosges Matin, quoi. C'est de l'information, hein, on est informé. Mais oui, on est informé. Le célèbre avocat en droit du travail, Ralph Blindauer, a adopté un étonnant modèle de vie. Le Mosellan vit et se déplace toute l'année en camping-car pour défendre les salariés dans l'impasse. Mais il reste un redoutable adversaire pour les patrons. C'est dans les Vosges, à la Bresse, qu'il reprend des forces. Alors ça, c'était le 29 juin 2023. Donc, il a repris des forces. La commune, les Ablevenettes. La commune réduit de 80% son nombre d'exploitations agricoles. Alors, François Vanson, à droite, et le président de l'association des propriétaires fonciers. Voilà. Hein? Voilà. 21 écoles de la cité contiennent encore de l'amiante. Épinal. Voilà. Alors l'amiante, on sait, c'est un des deux produits cancérigènes les plus connus depuis le plus longtemps. L'amiante, on sait que c'est depuis 1912 que c'est cancérigène. 1912. Donc les industriels qui ont vécu de ça, vous les mettez dans quelle catégorie? Hein? Ah, pas un criminel quand même, hein? Si? Oh, peut-être que vous exagérez un peu, hein? Peut-être. Niger, la crise s'accentue après la rupture des accords militaires avec la France. C'était le 5 août 2023. 5 août 2023 toujours, États-Unis, malgré les affaires, Trump ira au bout de sa campagne. Donald Trump assiste à une... Bon, restons dans la Meuse. Des flammes à la lumière, plus de 21 000 spectateurs cette année. Le plus grand spectacle d'Europe consacré à la Première Guerre mondiale a été joué à 10 reprises du 23 juin au 28 juillet. Non, ce qui est intéressant, c'est pas de montrer le spectacle de la guerre. Des gens qui s'entretuent. Des gens qui ne se connaissent pas, qui se sont en général pas rencontrés avant, qui n'ont aucune raison de se détester et à qui on donne l'ordre de s'entretuer. Contrôle à 232 km/h au lieu de 110 au volant de sa Porsche. Ah, Porsche. Das ist ein Wagen. Ein Großwagen. Commerce. En Chine, les États-Unis prônent des relations apaisées, des relations économiques les plus importantes du monde. Et les deux premières puissances économiques mondiales tentent en effet depuis plusieurs mois d'atténuer leurs tensions bilatérales. Eh oui, oh, l'avenir nous montrera des choses, vous allez voir. Vous allez voir. Mao, il va rigoler dans sa tombe. Hein. Vittel, un choix évident pour Beer of the Nation et sa bière artisanale. Alors, il y a quelqu'un qui a ajouté dans la 29 août 2023, qui a ajouté au crayon In Französisch, bitte schön. Des policiers vont se former à la sociologie. Oh, ah bon? Fin septembre, l'université d'Amiens va accueillir une formation en sociologie inédite destinée aux fonctionnaires de police, financée par la police nationale et le diplôme universitaire et axée autour de rapports police-population. Ben voilà. Voilà, voilà. Très bien, très bien, très bien. Expulser une maman et son fils cherchent un logement social à Remiremont. Une femme de 48 ans et son fils de 23 ans se retrouvent sans domicile fixe après avoir été expulsés de leur logement. Sans emploi, ils sont pris à la gorge. Sans emploi, ils sont pris à la gorge. Ils vivent chez les connaissances en attendant des jours meilleurs. Le bailleur Vogelis est sur le coup pour les reloger très rapidement. Elle vit avec le RSA. Elle vit avec le RSA, revenu de solidarité active, soit 607,75 euros par mois. 607,75 euros par mois. Est-ce que vous pensez qu'un député, un sénateur, etc., pourrait vivre avec une somme comme celle-là? Mais bien entendu, nos élus font le nécessaire pour supprimer la misère de ce pays, ce beau pays qu'est la France. Un beau pays en 1789. Et puis depuis, hein, ah oui. Internet, un vaste réseau mondial de cybercriminalité démantelé. Fabien Roussel est communiste, comme moi, je suis religieuse. Signé Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Membre de la France Insoumise, hein, Annie Ernaux, eh oui, prix Nobel de littérature et membre de la France Insoumise. Saint-Dié, un important dispositif pour les obsèques de Monseigneur Berthet. Ensuite, aide étrangère, la délicate question diplomatique au Maroc. Oui, il y a des questions diplomatiques entre la France et le Maroc, pour savoir si on leur envoie de l'aide ou pas. Oui. Ben oui, les heures, les jours passent. Une famille entière de martyrs du nazisme béatifiée, une première. Un couple de Polonais, leurs 7 enfants, assassinés en 1944 par des nazis pour avoir caché des juifs, ont été béatifiés dimanche en Pologne, une première pour une famille entière dans l'église catholique. Niger, le régime accuse la France de préparer une agression. C'est lundi 11 septembre 2023. Bangladesh, Macron veut consolider sa stratégie Indo-Pacifique. L'histoire du lanceur d'alerte, Antoine Deltour, en BD. Ce 13 septembre sortent 2 BD sur les lanceurs d'alerte, dont une qui raconte l'histoire d'Antoine Deltour, le spinalien à l'origine du scandale LuxLeaks, mettant en lumière un système d'évasion fiscale au Luxembourg. Eh oui, il y a un qui se rappelle, hein. Eh oui, on prenait le car pour aller au tribunal du Luxembourg, assister au procès et soutenir Antoine Deltour. Voilà.